On commence maintenant le cours numéro 61 dans l'explication du livre de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le charh de son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah, et les commentaires de notre Cheikh, le Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala. On est arrivé maintenant à la partie du livre dans le chapitre numéro 5, Babun al-Du'a'u. Et donc ici, on explique le chapitre au sujet de l'appel au témoignage de la ilaha illallah. Le mérite de cet appel et les règles de cet appel et tout ce qui a rapport avec le fait d'inviter les gens à prononcer cette phrase qui est la ilaha illallah, qui est la base de l'islam, la base de la croyance islamique, la base du pur monothéisme de l'islam. Le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah. Et donc ici le Cheikh il dit وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ قَدْ قُيِّدَتْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِقُيُودٍ ثِقَالٍ مِنْهَا الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْإِخْلَاصُ وَالصِّدْقُ وَالْمَحَبَّةُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ وَالْكُفْرُ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الْقُيُودُ لِمَنْ قَالَهَا نَفَعَتْهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه والناس متفاوتون في العلم بها والعمل فمنهم من ينفعه قولها ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى. Donc on va commencer par cette partie-là. Et donc ici le cheikh il explique cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah. Il explique, donc c'est le cours 61 aujourd'hui si je ne l'avais pas dit, il explique, il dit, on a déjà expliqué préalablement dans les cours, dans les chapitres précédents, on a expliqué que le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, a été limité et restreint par des limites qui sont tirées du Coran et de la Sunna. Et ce sont des restrictions très lourdes et très, très fortes, hein, très fermes. Ces restrictions et ces conditions qui sont très solides, eh bien, ça consiste en réalité à qu'est-ce qu'on appelle les conditions de la ilaha illallah. La connaissance, la certitude, la pureté d'intention, la véracité, l'amour de ce témoignage, l'acceptation, la soumission dans l'application et le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc ce sont les conditions de la ilaha illallah. Et lorsque ces conditions et ces limites sont réunies ensemble, pour celui qui l'a prononcé cette parole, elle va lui être profitable et bénéfique. Tandis que celui qui ne réunit pas en lui les différentes conditions de la ilaha illallah, eh bien même s'il la prononce cette parole, elle ne lui sera pas profitable. Et il dit, les hommes sont donc à des degrés différents dans la science, c'est-à-dire dans la science qu'ils ont de cette parole, de la ilaha illallah, ils ont des connaissances différentes. Et ils ont également des niveaux différents de pratique, et d'application et d'action dans ce qui a rapport avec cette parole. Et il y a donc, parmi ceux qui prononcent cette parole, il y en a donc pour qui ce sera profitable, et il y en a d'autres pour qui ce ne sera pas profitable, et il dit, comme cela n'échappe à personne. Il dit, ici, le Cheikh, premièrement, Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires sur ça, par rapport, premièrement, aux conditions de la ilaha illallah. Il dit تقدم أنه لا يكفي التلفظ بلا إله إلا الله فقط بل لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها بشروطها السبعة أو الثمانية. Et donc le cheikh il dit, on a déjà expliqué préalablement qu'il n'est pas suffisant de prononcer la parole de la ilaha illallah, hein, seulement de le dire, mais il faut absolument que la personne qui dit cette parole ait la connaissance de sa signification et qu'elle mette en pratique ce que la parole elle-même implique, c'est-à-dire avec ces conditions, ces 7 ou 8 conditions qu'on a déjà mentionnées. Et il dit ensuite par rapport à qu'est-ce que le cheikh a mentionné sur le fait qu'il y en a qui prononcent cette parole pour qui ça sera profitable et d'autres qui vont prononcer cette parole pour qui ça ne sera pas profitable. Il dit à ce sujet-là, تقدم أنه لا يكفي ومن قالها ومن قالها خالصا من قلبه نفعته ومن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه الله على النار فلا بد من العمل بشروط لا إله إلا الله. Donc il dit ici le cheikh Al-Fawzan حفظه الله que celui qui dit لا إله إلا الله avec sincérité et pureté dans son cœur, eh bien ce sera profitable pour lui. Tandis que celui qui dit « La ilaha illallah », donc ici il dit « La ilaha illallah » et qu'il renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, Allah va lui interdire l'enfer. Allah va lui interdire l'enfer. Donc il faut absolument que la personne en question mette en pratique les conditions de « La ilaha illallah ». Et le cheikh il dit ensuite « Wa hadha fihi at-tadarruj fi da'wa » وأن الداعية إلى الله يتدرج. Donc on va lire ça après, ça c'est l'explication du point suivant. Il dit وقوله فإنهم أطاعوك. Donc dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal lorsqu'il est parti au Yémen, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan l'explique la suite. Il dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قوله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وفيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة إلا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهرا لأن الإسلام شرط لصحة العبادة كما قال النووي رحمه الله ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم في الآخرة والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه وهو قول الأكثرين. Donc on va expliquer cette partie-là. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique que ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Mu'adh, il dit, et s'il t'obéisse dans cela, c'est-à-dire dans le fait de dire la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, alors fais-leur savoir que Allah leur a ordonné de faire 5 prières, 5 salawat chaque jour, durant le jour et la nuit. Et le cheikh Abdurrahman, il dit ici, et donc il y a ici la preuve que le mushrik, il est exigé de faire la salat. C'est-à-dire que le mushrik, il est ordonné, il est exigé de sa part qu'il fasse la salat, mais uniquement après qu'il se soit converti à l'islam. C'est-à-dire qu'il ne sera pas exigé de faire la salat que s'il accepte l'islam et qu'il se soit converti à l'islam. Et c'est-à-dire en délaissant le shirk, apparent ou caché. Et il dit, car l'islam est une condition pour que l'adoration soit valide. Comme l'a dit l'imam al-Nawawi, ou lorsqu'il a dit ce qui signifie, que cela est la preuve que yani, l'exigence de faire les actes obligatoires dans la dunya ne peuvent être ne peut se concrétiser que si la personne a accepté l'islam, ou ne peut être réalisé qu'après que la personne ait accepté l'islam. Et donc il dit, mais par contre cela ne signifie pas que la personne en question n'est pas exigée de la faire. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que l'ordre ne lui a pas été adressé de faire la salat. D'accord? Et c'est pour cette raison-là qu'elle va probablement être augmentée dans son châtiment dans l'au-delà, justement du fait qu'elle ne l'a pas faite. Mais le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est donc véridique et authentique à ce sujet? C'est que les koufars sont appelés à mettre en pratique les différents aspects de la charia, les différentes branches de la charia. et de respecter les interdictions, c'est-à-dire de s'abstenir des interdictions qui sont interdites par la charia. Et ça, c'est la position de la majorité des savants. Même si ce qu'ils font, hein, même si la salat, par exemple, elle n'est pas acceptée d'eux jusqu'à ce qu'ils acceptent l'islam, mais ils sont malgré tout exigés ou appelés à faire la salat. Mais, bien entendu, ça commence par le fait d'accepter l'islam en premier. Parce que s'ils n'ont pas accepté l'islam en premier, le fait de faire la salat, ça ne va pas leur rajouter quoi que ce soit. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique ce point-là parce que c'est un point qui se répète souvent. Et en particulier, quand vient le mois de Ramadan, par exemple, les gens ils disent « Ah, mais si j'ai un restaurant, est-ce que je dois le laisser ouvert hein, pour les non-musulmans s'ils veulent venir manger ?» Et ils disent « Bon, ben, parce que de toute façon, ce n'est pas des musulmans, donc ils ne croient pas au jeûne hein, ou en l'obligation du jeûne. Hein? » Sauf que, yani, comme les ulama ils le disent, les mushrikoun et les kuffars, ils sont appelés à respecter les règles de la charia et les ordres de la charia, les obligations de la charia. Donc, même s'ils ne sont pas musulmans, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas châtiés ou punis pour avoir contredit ces règles-là. Et le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer là, ce sujet-là, justement. Il dit, « Wa yas'alu al-ba'ad. » Non, là, j'ai dépassé. Il dit, « Wa hadha يعني فيه نعم دونك ساجي وهذا فيه التدرج في الدعوة وأن الدعوة إلى الله يتدرج ها يتدرج فيبدأ بالأهم فالأهم يبدأ بالتوحيد أولا ثم ينتقل إلى الصلاة لأنها أهم شيء بعد التوحيد فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام ثم بعدها ينتقل إلى الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل وهذا منهج الدعوة الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نأخذ منهج الدعوة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نأخذها من منهج الطائفة الفلانية أو الفرقة الفلانية أو الجماعة الفلانية التي تضع لنفسها منهجا تسير عليه بل نحن نسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونترك الاصطلاحات والمناهج المحدثات والمخططات التي يضعها البشر الذي يريد الدعوة إلى الله على الوجه الصحيح يمشي على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون أول ما فليكن أول ما تدعو إليه الذي يريد الدعوة نعم يمشي على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله لماذا جاء المصنف بهذه الرواية ليفسر بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن معنى شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة هذا هو المقصود من شهادة أن لا إله إلا الله أما الذي يشهد أن لا إله إلا الله ولا يفرض الله بالعبادة بل يدعو غيره فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله إلا فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله حقيقة وإن كان يشهد بها نطقا لكنه لا يشهد بها حقيقة ولا يعمل بمقتضاها. Donc ici le cheikh il explique, cheikh Al-Fawzan, le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit donc à Mu'adh, après avoir dit à Mu'adh de les appeler à la ilaha illallah, il lui dit ensuite, et s'ils t'obéissent à cela, alors fais-leur savoir qu'il y a 5 prières obligatoires. Et donc le cheikh il dit, ça c'est la preuve qu'il y a un ordre hein, et des degrés dans la da'wa. Et que la personne qui fait la da'wa, qui invite les gens à Allah, il doit respecter les étapes. Et il doit commencer par ce qui est le plus important en premier. Et donc, il commence par qu'est-ce qui est le plus important, qui est le tawhid. Et donc, une fois qu'il a expliqué le tawhid et que la personne a accepté le tawhid, eh bien, ensuite, il peut passer à ce qui est le plus important après le tawhid, c'est-à-dire la salat. Et c'est le deuxième pilier parmi les piliers de l'islam. Et donc, une fois qu'il a expliqué à la personne la salat, que la personne a accepté la salat, eh bien, il explique par la suite la zakat. Parce que la zakat, c'est yani, le compagnon de la salat dans le livre d'Allah. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, Allah, quand il mentionne la salat, il mentionne la zakat avec. Et donc, il dit ici, le cheikh, que ça, c'est la méthodologie du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une méthodologie qui est authentique. Et donc, nous devons prendre notre méthodologie dans la da'wah de la sunna du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne la prend pas des méthodologies d'un tel ou d'un tel groupe, de telle organisation, de telle secte, ou de telle yani, fraction. Parmi les différentes méthodologies qui ont été inventées par les groupes de bid'a à notre époque, hein, et qui prétendent faire la da'wa, mais qui suivent des méthodologies innovées. Et parmi ces méthodologies innovées-là, justement, hein, tout le monde a entendu parler de la secte qu'on appelle Jama'atul Tabligh. Et Jama'atul Tabligh, c'est une des sectes, ou un des groupes à notre époque, qui prône, ou qui prétend prôner la da'wa. C'est rendu presque à un point tel que dans certains pays, les gens les ont appelés Ashab al-Da'wa, hein, les compagnons de la da'wa. Donc ça, c'est une insulte en réalité à la réalité de ce que signifie la da'wa des prophètes et des messagers, puisque leur méthodologie de la da'wa, elle est totalement opposée à la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait sa da'wa par le tawhid, tandis que Jama'at Tablir, ils ne commencent pas leur da'wa par le tawhid. Hein? En réalité, le tawhid n'existe pas dans leur da'wa. Hein? Le tawhid n'existe pas dans leur da'wa. Ils ne parlent pas de tawhid et ils n'enseignent pas le tawhid et ils ne mettent pas en garde contre le shirk et ils n'avertissent pas contre le shirk. Et ils n'avertissent pas non plus contre les innovations et les bid'a. Bien au contraire, ils incitent les gens aux bid'a et aux innovations. Et ils incitent les gens aux sectes et aux groupes comme le soufia et des différentes turqs. Et ils n'avertissent pas contre les différentes turqs soufia. Donc, c'est des gens qui appellent clairement à l'innovation et qui appellent et qui pratiquent eux-mêmes des innovations. Et je les ai vus moi-même avec mes yeux et d'autres que moi les ont vus aussi faire ces innovations-là. Et sans parler des autres groupes comme l'Ikhwan al-Muslimoun, hein, qui yani, parle des aspects de la dunya et qui se concentre sur la dunya et qui délaisse totalement le tawhid complètement et qui ne se concentre que sur la politique, sur l'économie, hein, et sur les aspects de la dunya et il pense que c'est ça, l'islam. Donc si c'était ça l'islam, alors dans ce cas-là, ça veut dire que yani, on n'avait pas besoin d'un prophète, hein, on n'avait pas besoin d'un prophète ou d'un messager. Puisqu'il y a des koufars qui se consacrent à l'étude de l'économie et de la politique. Hein? Et ça ne fait pas d'eux des musulmans. D'accord? Donc l'islam, c'est basé sur le tawhid. Et si quelqu'un, sa da'wa n'est pas basé sur le tawhid, hein? Tel que les prophètes et les messagers l'ont enseigné, alors dans ce cas-là, sa da'wa n'a rien à voir avec l'islam. Même s'il prétend appartenir à l'islam. Et même s'il prétend appliquer les autres piliers de l'islam. S'il n'applique pas le premier des piliers, les autres piliers sont inutiles pour lui. Non. Donc, le cheikh, il dit ensuite, donc, il faut donc suivre la méthodologie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et que c'est cette méthodologie-là, hein, sur laquelle on doit avancer. telle qu'elle est expliquée dans ce hadith qu'on est en train de lire. Et il faut délaisser les terminologies et les conventions et les méthodologies innovées et les plans et les organisations telles qu'elles ont été inventées et créées par des êtres humains qui ne sont pas des prophètes. Hein? Donc celui qui veut vraiment faire la da'wah à Allah de la façon qui est correcte, eh bien il doit emprunter l'exemple, la voie et le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith que la première chose à laquelle tu les invites soit de témoigner de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et dans une autre narration, il dit d'unifier Allah. Il a un yuwahidullah. Donc, c'est-à-dire qu'ils établissent le tawhid d'Allah. Et il dit, le cheikh, pourquoi le cheikh, il a ramené cette narration-là, l'autre narration, dans le hadith. La narration qui dit, il a un yuwahidullah. Eh bien, il a ramené cette autre narration-là, c'était pour, justement, interpréter et expliquer la signification du témoignage de la ilaha illallah et de faire comprendre que le témoignage de la ilaha illallah, ça signifie de rendre l'adoration exclusive à Allah. Hein? De faire en sorte que notre adoration soit uniquement pour Allah seul. Et c'est ça qui est voulu par le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc si quelqu'un dit la ilaha illallah, et il témoigne de la ilaha illallah, mais qu'il ne rend pas son adoration exclusive à Allah, et qu'il invoque d'autres avec Allah, alors dans ce cas-là, il n'a pas témoigné de la ilaha illallah en réalité. Même s'il l'a prononcé avec sa langue, mais il ne l'a pas, il n'a pas fait un témoignage qui est réel. Et il n'a pas agi selon ce que ce témoignage-là implique. Et ça, c'est quelque chose de très important à mentionner. Parce qu'il y a des gens qui disent, qui répètent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, quiconque dit la ilaha illallah, il entrera au paradis. Et ça, c'est un hadith qui est authentique et qui est vrai. Sauf que, si quelqu'un dit la ilaha illallah, par exemple, un chrétien qui dit la ilaha illallah, et qui ne comprend pas ce que ça signifie, si tu lui dis, répète la ilaha illallah, et qu'il dit la ilaha illallah, puis que le lendemain, il continue d'aller à l'église comme si rien n'était, et à prier à Jésus, à Marie et à tous les saints, ben, tu vas lui dire, écoute, tu as dit la ilaha illallah, mais t'as rien compris parce que si tu comprends qu'est-ce que signifie la ilaha illallah, ça veut dire que tu dois arrêter d'adorer d'autres que Allah. Tu dois cesser de pratiquer ce que tu pratiquais comme shirk et comme égarement avant l'islam. Donc c'est ça qui est important de comprendre ici. Et si quelqu'un il se dit musulman, mais qu'il prie à des morts ou à des tombes, et qu'il adore des saints, hein, eh bien, il n'a pas compris la ilaha illallah. Et s'il dit Mohammed Rasulullah, et puis que au lieu de prendre son adoration du prophète Mohammed sallam, il prend son adoration des marabouts et des gourous et des chouyours de l'égarement. Hein, et il les suit dans tout ce qu'ils disent, même si c'est contraire à la sunna authentique. Alors ça, c'est clair que c'est batil. Aujourd'hui, il y a un frère qui m'a contacté. Il m'a dit qu'en Guinée, là, frère de la Guinée, il m'a contacté. Il m'a dit, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que si tu ouvres le Coran, tu vas trouver un poil dans sourate al-Baqarah. Il dit, tu prends ce poil, tu le mets dans l'eau et tu bois l'eau. C'est le remède contre le coronavirus. Et le frère, il m'a appelé pour me dire, écoute, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? J'ai dit, Ari, est-ce que ça c'est pas assez clair que c'est faux? Et ça fait aucun sens. Il m'a dit, oui, il y a un soi-disant, un cheikh qui a vu ça dans un rêve, que si tu ouvres le baccarat, tu vas trouver un poil. Et que ça sauve du coronavirus. J'ai dit, le but du Coran, c'est pas de trouver des poils dedans pour lire ça. C'est pour le lire, le Coran, et pour le mettre en pratique, et pour croire en qu'est-ce qui est dedans, et pour l'utiliser comme guidance et comme bénédiction. Et le Coran en lui-même, il est une guérison. Lorsque tu le lis, lorsque tu le récites et lorsque tu fais la ruqya avec. Mais où est-ce qu'il est le rapport là-dedans avec un poil? Ça ne fait aucun sens. J'ai dit, toi, tu as ouvert le mushaf aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé un poil dedans? Donc, c'est incroyable. Comment des gens, ils s'attachent à des choses futiles comme ça. Mais ça, c'est la da'wa qu'on retrouve souvent chez les soufis, hein? Parce qu'ils n'éduquent pas leurs fidèles à comprendre la religion et à s'attacher à la sunna et à comprendre la aqida du tawhid. Donc ils mettent leur confiance dans des poils. Hein? Et ils pensent que c'est ça qui va les sauver des virus. Nasallallahu al-afiyah. Donc ensuite le cheikh il dit wa fihi dalilun. Donc on a lu ça déjà. On a lu tout ça. Donc maintenant on est rendu où? On est rendu à la partie où le cheikh il dit que une fois qu'ils ont accepté la ilaha illallah, alors fais-leur savoir qu'il y a 5 prières par jour, pendant le jour et la nuit. Le cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Fardu huwa al-ijabu. Hein? Iftarada alayhim khamsu salawatin. Hada huwa al-ruknu al-thani min arkan al-islam. Fa'idha tahaqqaqa al-ruknu al-awwal. فهو شهادة أن لا إله إلا الله. ننتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة. ولا تنفعهم الصلاة وهم لا يشهدون أن لا إله إلا الله حقيقة. وإن كانوا يتلفظون بها وعندهم شرك حتى يحققوا التوحيد فحينئذ ندعوهم إلى الصلاة. افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أوجب عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فتجب المحافظة عليها. أما الذي لا يصلي أو يصلي وقتا دون وقت أو يصلي غالب الفروض ويترك بعضها فهذا ليس بمسلم. وإن شهد أن لا إله إلا الله لأنه لم يقم الركن الثاني أو لم يقم الركن الثاني في هذا دليل على أهمية الصلاة وأنها يدعى إليها بعد الدعوة إلى التوحيد لأن هذا عموم الإسلام فينبغي المحافظة عليها من حين يبلغ سن التكليف إلى أن يتوفاه الله تعالى. Donc ici le cheikh il explique que le mot fard en arabe ça veut dire al-ijab qui veut dire l'obligation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala iftarada, ça veut dire yani, il a rendu obligatoire pour eux 5 prières, 5 salawat. Donc de faire 5 salat. Et souvent j'explique quand je parle avec des chrétiens ou quand je parle avec des nouveaux musulmans ou des gens qui viennent pour apprendre à propos de l'islam, quand on leur dit il faut prier 5 prières par jour. Hein, il y en a des musulmans, parfois, quand ils parlent avec des gens, hein, ils leur disent, parce qu'ils ont l'habitude, de parler avec des gens qui ne sont pas religieux du tout. Alors, quand ils leur parlent, ils veulent leur montrer que la religion, elle est facile. Alors, ils leur disent, regardez, nous, dans l'islam, on prie seulement 5 fois par jour. C'est pas beaucoup, hein? Parce qu'ils savent que les gens, en général, parmi les koufars, que ce soit des athées ou des chrétiens ou des juifs, disent « Ah, vous priez beaucoup, 5 prières, c'est beaucoup. Hein? » Alors eux, ils leur disent « Mais non, c'est juste 5 prières et c'est pas long et ça dure juste 5 minutes. » Par contre, si tu parles avec des chrétiens qui sont plus pratiquants ou plus religieux, et que tu leur dis « Nous, on prie 5 fois par jour », il y en a parmi eux qui veulent justement utiliser ça pour essayer de critiquer. On dit, ah, vous priez 5 fois par jour seulement? Vous priez seulement 5 fois par jour. Nous, on prie hein, toute la journée, sans arrêt. On prie tout le temps à Dieu, sans arrêt, toute la journée. On prie même 200 fois par jour, 500 fois par jour. Hein? Alors, ces gens-là, qu'est-ce que vous allez leur dire à ces gens-là? Il faut leur expliquer comme il faut, parce que eux, ils savent même pas ce que c'est la prière. C'est ça la réalité. Ces gens-là savent pas ce que c'est la prière. Nous, quand on dit prière, le mot prière ici en français, pour eux, ça veut dire n'importe quelle sorte de prière. Ça veut dire pour eux, pour eux, en réalité, il n'y a pas de différence entre la salat, entre le dhikr, entre le dua. Tout ça, pour eux, c'est la même chose. C'est la prière. Donc, si quelqu'un il est en train de faire un dhikr, hein, il dit Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Pour eux, ça, c'est une prière. Et quand quelqu'un, il dit, par exemple, quand il sort de chez lui, hein, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça, c'est une prière pour eux. Pour nous, c'est un dua. Mais c'est une prière aussi, mais ce n'est pas la même chose que la salat. La salat, c'est une forme particulière et spécifique de prière. Mais en réalité, le musulman, il prie pas 5 fois par jour seulement. Le musulman, il prie toute la journée. Il prie toute la nuit. En réalité, le musulman, il prie sans arrêt. Sa vie est une prière. Sa vie est une ibada. Mais les 5 prières par jour, c'est quelque chose de particulier. C'est une sorte de prière qui est spéciale. Et cette sorte spéciale de prière, elle est limitée à 5 obligatoires. Et tu peux même en rajouter des prières surérogatoires si tu veux. En plus des 5 prières obligatoires, tu peux faire des prières surérogatoires. Et ça, c'est sans compter toutes les invocations et tous les rappels et les dhikrs que tu fais pendant la journée. À partir du moment où tu te lèves et que tu dis Bismikallahumma amutu wa ahya. Hein? Et au moment où, avant de te coucher, tu fais ton rappel et tu fais tes doigts avant de dormir. Et les doigts du matin. Et les doigts avant le coucher de soleil. Et les doigts dans chaque moment, même avant d'aller aux toilettes. Et même en sortant des toilettes. Hein? Quand tu rentres, quand tu sors, avant de manger, après avoir mangé, avant de boire, après de boire. Lorsque tu mets tes vêtements, lorsque tu enlèves tes vêtements. Lorsque tu sors, lorsque tu rentres. Lorsque tu rentres à la mosquée, lorsque tu sors, lorsque tu fais ton wudu. À la fin du wudu, tu fais ton ablution, tu termines. Il y a un doigt. Hein? Avant d'avoir des rapports intimes avec ton épouse, tu as un doigt. Tout ce que tu fais dans ta vie, le musulman, il y a un doigt, il y a une prière qu'il fait. Et les rappels d'Allah à chaque instant. Hein, que tu fais, que tu gardes tout le temps en toi-même. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Et la demande de pardon et tout ça. C'est-à-dire que le musulman, il est toujours en train de prier sans arrêt, même quand il dort. Son sommeil est une adoration. S'il dort avec l'intention de se régénérer hein, et de retrouver sa force pour continuer à adorer Allah. Donc, ça, c'est un point important à mentionner à ce sujet. Mais les 5 prières, ça, c'est particulier. Et le cheikh, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné ça comme deuxième pilier dans l'islam. Le premier pilier de l'islam, c'est le tawhid. Et si quelqu'un il a concrétisé le premier des 5 piliers, qui est le tawhid, qui a témoigné de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il passe maintenant au deuxième pilier, c'est la salat. Et cette salat, elle ne sera pas profitable et bénéfique pour toi au jour de la résurrection, excepté si tu avais témoigné de la ilaha illallah avant de la faire et que tu avais fait ce témoignage-là en réalité, hein, un réel témoignage. Et il dit, et s'ils le prononcent alors qu'ils ont du shirk, hein, eh bien, ça ne sera pas valable pour eux. Il faut qu'ils réalisent le tawhid concrètement, qu'ils le pratiquent et qu'ils délaissent le shirk. Sinon, leur salat ne sera pas valable. Il y a beaucoup de gens parmi les musulmans aujourd'hui qui font la salat, mais ils font le shirk en même temps. Et ça annule leur salat. Ça, c'est important de comprendre. Donc, la ilaha illallah, c'est la base. Puis après, c'est la salat. Donc, une fois que les gens ont réalisé le tawhid, on les appelle à la salat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné 5 prières pendant le jour et la nuit. C'est-à-dire que les prières se répartent pendant le jour et pendant la nuit. Pendant le jour, il y a la prière de Dhuhr et de Asr, et il y a la prière de Maghrib, de Isha et de Fajr, la nuit. Et donc, ici, le cheikh, il explique et il dit, donc, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il vous a été ordonné de faire 5 prières pendant le jour et la nuit. Donc, il leur a ordonné ces 5 prières chaque jour et chaque nuit. La salat de Fajr, qui est la prière de l'aube. La prière de Dhuhr, qui est la prière de l'avant-midi. Non, pas de l'avant-midi, de l'après-midi. À partir de midi, jusqu'à l'après-midi. Il y a la prière de l'après-midi qui est la prière de Dhuhr, la prière de Asr, c'est-à-dire ouais, la prière de avant le coucher de soleil, c'est-à-dire l'après-midi, c'est le Asr. Puis la prière après le coucher de soleil qui est le Maghrib et la prière de Isha qui est la prière du soir. Et donc ça, c'est les 5 prières. Et il est obligatoire pour le musulman de les garder, ces 5 prières, et de les faire de façon... De les faire de façon assidue, c'est-à-dire de les faire dans leur temps. Chaque prière, il les fait dans leur temps. Et il dit, tandis que celui qui ne fait pas la salat du tout, ou bien qu'il prie de temps en temps, ou bien qu'il prie la plupart des prières obligatoires, il les fait, mais il délaisse certaines. Eh bien, il n'est pas musulman. Il dit le témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ça c'est le premier pilier. Et donc, il dit, s'il dit le premier pilier, il le prononce, il témoigne de la ilaha illallah, mais qu'il n'applique pas le deuxième pilier de l'islam, eh bien, c'est comme si, c'est comme pour dire, yani, qu'il n'est pas musulman réellement. Et il dit, et ça c'est la preuve de l'importance de la salat. D'accord? Même si on sait qu'il y a une divergence entre les ulama au sujet de la personne qui prie pas et qui reconnaît son obligation. Hein, il y en a parmi les ulama d'Ahl Sunna qui considèrent que la personne en question est toujours musulmane. Sauf que c'est un musulman qui est pervers et que c'est un pécheur. Naam. Tayyib. Et ensuite, le cheikh, il dit ici que. Donc, on appelle la personne, une fois qu'elle a accepté le tawhid, on l'appelle à établir le deuxième pilier de l'islam, qui est les 5 prières par jour. Parce que ça fait partie du pilier de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé la salat umu de l'islam, le pilier de l'islam. Et donc il faut vraiment faire tous les efforts possibles pour préserver cette adoration-là et ce pilier-là. À partir du moment que la personne a atteint l'âge de responsabilité et qu'il a atteint la puberté, il n'a plus d'excuses à partir de ce moment-là pour délaisser la salat, parce que c'est le pilier de l'islam. Et donc, il faut qu'il préserve cette prière jusqu'à ce qu'il meure et jusqu'à ce que Allah prenne son âme. Et donc, ça, c'est la preuve que on ne va pas exiger à un non-musulman de faire la salat jusqu'à ce qu'il ait accepté l'islam intérieurement et extérieurement, et qu'il ait délaissé toute forme apparente ou cachée de shirk. Le cheikh dit: wa illa annaha la tanfa'uhu as-salatu fa kayfa yu'maru bi shay'in la yanfa'uhu. Pourquoi on ne va pas lui ordonner de la faire avant d'avoir accepté l'islam? Parce que ça ne va pas lui être utile de la faire s'il l'a fait sans avoir accepté l'islam. Naam. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah, et on continuera la suite au prochain cours, بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد